Fait que là, à partir de là, j'ai décidé de quitter. J'ai trouvé personnellement que Bob, j'ai trouvé cordial, il a accepté la démission. Il a été surpris, il a été déçu, mais comme je lui ai expliqué, excusez le terme anglais, là, mais j'étais comme squeezé dans un coin, je pouvais plus continuer. Tu sais, la vie envoie des signes, puis là, les signes, ça commençait à arriver, puis j'avais des téléphones, puis écoute, ma conjointe n'était pas à l'aise aussi du tout là-dedans. Fait qu'à un moment donné, on a choisi la sécurité de la famille, puis j'ai choisi de démissionner. OK. Quel signal ça envoie par aller? Il me semble que, Gino, c'est un message qu'il faut que tu envoies, là, parce que, regarde... Moi, je l'ai dit au président de la Ligue, il y a quelque chose à comprendre. Tu trouves-tu qu'il y a quelque chose à comprendre? Il y a quelque chose à travailler, quelque chose à améliorer dans cette Ligue-là, certainement. Hein? Ben là, en partant à Forestville, là, il va falloir, je pense que je suis content. Ils ont parlé tantôt, là, et la sécurité avant tout. Puis quand on fait une promotion comme un match de même, comme ça a sorti sur les réseaux sociaux, comme tu parlais tantôt, je veux dire, je me demande où était la sécurité. Tu sais, je veux dire, quand on parle de... Oui, il y en avait, mais peut-être en avoir plus. Où étaient les policiers? Peut-être appeler les polices, comme moi, je vais souvent dans des matchs de hockey, exemple, junior majeur, ça arrive souvent que, tu sais, là, ça, c'est de moins en moins, mais quand on sait qu'il prévoit qu'il va y avoir du bronze camarade des policiers, tu sais, il y a plus d'agents de sécurité. Tu sais, je pense que tout le monde, dans le fond... Parce que Forestville, là, faut pas se compter de peur, là. C'est pas toutes des mauvaises personnes non plus. C'est un incident isolé. Il y a 4-5 personnes qui ont peut-être pris un verre de trop, et ça a dégénéré, là. C'est pas tout le monde, là. C'est une belle petite place, là. Mais, tu sais, c'est comme ça. Puis, écoute, faut faire attention. Tu sais, moi, c'est surtout la sécurité, le message que c'est important. Puis, quand les joueurs sont sortis, il faut que les joueurs aillent dans le vestiaire. Ça, c'est primordial. Un, pour faire descendre l'émotion. Parce que c'est, tu sais, quand je t'ai déjà dit que quand quelqu'un va à 140 minutes, là, tu prends pas toujours les bonnes décisions, là, tu comprends? Mm. Mais il faut que les gars aillent dans le vestiaire puis prendre le temps de décompresser. Tu sais, c'est primordial. Parce que, tu sais, ce qui est arrivé, en plus, quand ça parle de sécurité, les vestiaires sont proches des spectateurs. Fait que là, je comprends un peu. Tu vois ta blonde te faire agresser, tu fais quoi? C'est clair, c'est ça qui est arrivé. Les gens ne savent pas, là. Puis c'est ça, c'est... Tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent « Ouais, mais tu t'en prends pas à la foule. » Ce que les gens ne savent pas, c'est que ce qu'on voit à la télévision, et ça, tu me corrigeras, c'est ça, c'est parce que la blonde de ce joueur-là était attaquée par la foule. Ça, les gens ne savent pas ça, là. Mais mettez-vous ça dans la peau de tout le monde, là. Mettez-vous dans la peau du joueur, là. Ouais. Tu vois dans l'assistance, tu vois que la foule s'en prend à ta blonde. Est-ce que tu vas sauter ou tu vas laisser faire? Ben, c'est ça. C'est ça qui s'est passé. Puis ça peut, aucun média n'a parlé de ça, mais c'est ça qui s'est vraiment passé, ouais, là. Ça, je trouve ça cheap-shot un peu. Excuse mon terme anglais. Regarde. C'est ça qui s'est passé. Puis, tu sais, je me mets dans, comme tu dis, dans, tu fais quoi? Fait que là, écoute, ils ont une fraction de seconde pour y aller. Ils ont peut-être vu la sécurité. Est-ce que la sécurité était présente? Je ne sais pas, nous autres, on était sur la glace. On ne la voit pas, la sécurité. Est-ce qu'il aurait pu agir autrement? Est-ce qu'il aurait pu y aller? Mais tu sais, on voit quelques coups. Les coups, tu sais, le gars qui donne un coup, est-ce qu'il y a eu une plaque sur la marboulette avant? Tu sais, il y a peut-être, ça a peut-être sorti tout seul, je ne sais pas. Mais c'est ça. Chacun va avoir sa version des choses. C'est comme j'ai dit sur les médias sociaux, ouais, parce que plusieurs viennent me parler. Oui, c'est vrai que j'étais pas là. C'est vrai, je suis d'accord avec ça. J'étais pas là. Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'était facile à voir ce qui s'en venait. Dès la semaine passée, puis connaissant la rivalité entre les deux formations, puis connaissant... ces médias sociaux, ça a sorti. On aurait dit qu'il venait de signer Connor McDavid, là. Fait que, tu sais, quelque part, c'était carrément une déclaration de guerre. Et c'était à la Ligue, à mon avis, d'allumer là-dessus. Ils ne l'ont pas fait. Ce que j'espère, c'est qu'il va y avoir pour réparer ça, il va y avoir des suspensions exemplaires. Mais ça, on va le voir là-dessus. Gino, ça te fait de quoi vraiment quitter, je pense, à quelque part, hein? Parce que tu me l'as dit, je suis pas un lâcheur, puis j'aime pas ça. Oui, t'as raison, parce que ça a été, j'étais en contradiction avec mes valeurs aussi, parce que lâcher, pour moi, c'est, sais, on fait du sport toute notre vie, on enseigne ça, d'être persévérant, puis de ne pas abandonner, mais c'est comme ça, hein. C'est peut-être pour ça que j'ai duré aussi longtemps, mais que veux-tu, c'est il y a un temps, comme je te disais tantôt, il y a des signes, il y a des personnes qui n'ont pas d'émotion par rapport à ça, qui te parlent, qui te font prendre conscience que c'est le temps de te retirer avant que ça soit plus grave, tu sais, puis c'est ce qui s'est passé. Fait que, tu sais, les personnes qui te parlent puis qui communiquent avec toi, là, c'est le fun parce que tu reconnais que ce sont des vrais amis, parce qu'eux autres, ils tiennent à toi puis ils trouvent que ça fait de, tu sais, de t'aider ou de sortir de cette situation-là. Fait que moi, je tiens à remercier. Écoute, il faut pas oublier que j'ai quand même aimé mon expérience quand même. Côtoyer des joueurs extraordinaires. Je garde quand même des bons souvenirs. J'ai vraiment aimé parce que je revoyais mes anciens, puis c'était le fun. Même dans la Ligue, je voyais mes anciens aussi. J'étais vraiment content. Je croyais en rêve. Je croyais qu'on aurait pu y arriver, mais c'est ce que tu veux qu'on fasse, malheureusement. On contrôle pas tout, puis c'est ça. Comment tu vois l'avenir de cette Ligue-là? Moi, je la vois quand même sur un bon œil. C'est comme je l'ai dit tantôt en entrevue à Michel. Écoute, quand la ligue, chaque ligue, quand ça commence, ils ont leur apprentissage à faire. Tu sais, quand ça a commencé, la Ligue nord-américaine, il y a eu une sorte de débordement aussi. Puis ça va. Il s'agit de s'ajuster puis de progresser dans ça. Et je pense que, puis en passant, gars, il va juste revenir sur un point. Un matin, je me lève à 6h le matin. Il y a un ami qui me parle, une personne qui est dans le domaine du hockey, ça fait un bon bout d'années, qui a déjà fait du hockey senior. Okay? Puis il parlait qu'il y a 12 ans, lorsque le senior évoluait à Forestville, il y avait eu des incidents de ce genre. Fait que si tu me demandes comment je vois l'année, je reviens à la sécurité. Je pense que la sécurité va être importante pour les joueurs, pour les spectateurs, les entraîneurs et toutes les organisations. En partant de là, établir des règles solides, puis de communiquer aussi, de se parler, c'est important. Tu parles souvent de partenariat d'affaires. Non, c'est un partenariat d'affaires, c'est carrément ça. C'est carrément ça. Voyons, c'est sûr. Il y en a qui vont dire, oui, mais la compétition est trop forte. Oui, la compétition est trop forte, mais il faut que c'est les humains qui gèrent la compétition. À un moment donné, il faut que tu vois la loi du Saint-Bon Sens. Vous êtes des, puis ça, je le dis, sont des partenaires d'affaires avant d'être des adversaires. Les quatre là, qui sont là sont des partenaires d'affaires. Gino, je regarde, si c'est vrai que je suis pas proche de Dolbeau, c'est l'équipe de Dolbeau, je suis beaucoup pas de l'équipe de Jonquière que de l'équipe de Dolbeau, Sisney, mais par contre, Dolbeau, ils ont quand même de bons jeunes joueurs, ils ont des bons joueurs, c'est pas nécessairement des bagarreurs, il y en a quasiment pas de bagarreurs. D'ailleurs, la plus belle preuve, le Connor McDavid, ils l'ont trouvé dans le territoire de Dolbeau, là, parce qu'il en voulait pas. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des bagarreurs? Ben, c'est une question à se poser. Moi, de mon côté, moi, je trouve que Dolbeau a un très, très, très, très beau modèle de hockey senior. Les gars sont en forme, un bon contrôle de rondelle, une bonne transition. Je pense que c'est un modèle à copier. Là, quand on regarde ça, là, des hommes forts, il y en a un ou deux maximum. Il y en a un d'habillé par partie. Puis c'est l'équipe qui est en tête de la Ligue. Fait que ça doit quand même pas être si pire que ça, là. Ouais. En plus, ils ont un entraînement par semaine. Ouais. Il doit avoir une belle collaboration. Je trouve que c'est un beau modèle à suivre. Charlevoix également. Charlevoix un petit peu plus physique, Charlevoix. Mais c'est un beau modèle aussi. Jonquière, on est quand même. Il s'agit de s'ajuster. Puis moi, j'ai vraiment confiance en cette équipe-là. Là, je pense que j'ai confiance en Bob aussi pour mettre les pendules à l'heure. Parce qu'il ne faut pas penser là, que Bob est en dans la même situation. Ouais, on en a parlé aux joueurs, on travaille dans les écoles. Là, à un moment donné, on donne des chances, mais on s'était dit à nos fêtes qu'on allait évaluer. Là. Je pense que l'évaluation est terminée. Puis, j'ai bien confiance en eux qu'ils vont se reprendre, des bonnes personnes qui mettent l'épaule à la roue, travaillant en équipe. Il faut que les gars soient là aussi, parce que dans les trois derniers matchs, on était vraiment short line-up. C'était pas facile pour nous autres. On faisait comme on pouvait, mais après les fêtes, les gars vont s'en faire venir, puis ça va être le fun. J'ai bien confiance, on pourrait avoir des surprises, Danny, d'une série. On pourrait être très surpris. Bon, ben, Gino, moi, ça me fait de la peine de te quitter, parce que, comme je t'ai dit, je te connais un peu. Par contre, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler avec toi tous les lundis. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment de quoi. Mais, regarde, que veux-tu, c'est... Je vais m'en remettre. Il y en a plusieurs, j'ai perdu plusieurs collaborateurs, des gens que je m'adonnais bien puis que je suis encore vivant. Puis peut-être qu'on va avoir le plaisir dans un autre rôle de se reparler. C'est ça, c'est sûr. Puis, moi, j'ai vraiment apprécié de travailler avec toi, Danny. Puis je t'annonce que toi, tu avais annoncé mon secours. Mais là, je t'annonce que c'est ma dernière entrevue. On va prendre. Ça a été une souffle fin de semaine pour moi, là. Ah, regarde, c'était tout que des affaires. Ben, Gino Gagnon, un gros merci, puis peut-être un autre tantôt. OK, bye. L'ex-instructeur-chef du MJR Express de Jonquière, Gino Gagnon.